Hommage au groupe de musique Goldfish. J'ai décidé aujourd'hui de faire un enregistrement où je vous partage l'intérêt que j'ai pour un groupe de musiciens que j'apprécie beaucoup depuis plusieurs années. Ils ont produit plusieurs albums, donc c'est un groupe que j'ai eu beaucoup et j'ai toujours d'ailleurs beaucoup de plaisir à écouter. D'où la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de leur rendre hommage pour la qualité de leur travail sur le plan musical. J'apprécie l'originalité de leur production. C'est un duo de musiciens. Donc, il est composé de Dominic Peters, qui est producteur, qui va faire aussi du clavier, de la basse et de la basse guitare, et aussi de David Poole, qui est à la production, qui va jouer du saxophone, de la flûte aussi, et il va chanter aussi. Donc, c'est un groupe de musiciens qui provient de Cape Town, en Afrique du Sud. Et moi, je l'ai découvert il y a plusieurs années parce que j'aime beaucoup écouter la musique du groupe de Nirvana. Les choses ont changé un peu récemment, j'en écoute moins, là, mais il y a plusieurs années, j'appréciais beaucoup écouter ce groupe de musique là, américain, grunge, qui vient de Seattle. Et j'allais voir des musiciens qui reprenaient de leurs chansons. Et j'ai tombé sur une reprise de Goldfish par rapport à la chanson qui s'intitule Heart-Shaped Box de Nirvana, que j'ai adoré, ce qui m'a donné le goût par la suite d'en savoir plus là, par rapport au groupe Goldfish. Et c'est là que j'ai commencé à écouter leurs chansons. Et il y en a plusieurs que j'ai trouvées intéressantes. Et puis là, je me suis mis à écouter leurs albums et ainsi de suite. Donc c'est là que ça provient mon intérêt pour eux autres. Et c'est sûr qu'en bas de cet enregistrement, vous allez pouvoir retrouver un lien avec la vidéo YouTube de la chanson Heart-Shaped Box par Goldfish ainsi que d'autres chansons que j'affectionne en particulier. Donc, pour ce qui est de Goldfish, ce qui est intéressant, c'est que le style musical, en fait, je parlerai pas d'un style, mais de plusieurs styles, c'est très éclaté ce qu'ils font. Donc, ils vont faire de la musique dance en combinant entre autres des éléments jazz, des éléments aussi issus de la musique africaine. Ça va être combiné là, lorsqu'ils vont jouer live avec des échantillons. Donc, ils vont jouer avec des vrais instruments. Là, ça peut être, par exemple, la flûte, du saxophone, du clavier, mais simultanément, il y a des échantillons avec des voix de chanteuses et de rythmes aussi qu'il y a en arrière-plan. Donc, c'est un mélange des deux. Fait que c'est particulier parce qu'il y a une trame de fond, puis eux autres, ils vont doubler ça live avec des instruments de musique. Donc, concernant les informations que je viens de vous présenter plus tantôt, concernant les membres, le style musical, ça vient de Wikipédia. Donc, c'est sûr que si vous tapez Goldfish avec band, là, dans le sens que c'est un groupe de musique, à ne pas confondre avec l'animal qu'est le poisson rouge. Donc, vous allez pouvoir retrouver les informations auxquelles je fais allusion. Puis, c'est un groupe aussi qui a une carrière qui s'établit sur plusieurs années. D'ailleurs, en 2006, ils ont sorti un album, Caught in the Loop. Et puis, récemment, en 2017, bien, ils ont fait l'album Late Night People. Donc, ils en ont fait plusieurs sur plusieurs années. Donc, ils ont une très grande quantité de chansons. Et puis des fois, c'est un peu plus jazz, un peu plus électronique, un peu plus pop aussi. Donc, c'est varié. Puis, c'est sûr que moi, ce que j'aime, c'est la vibration globale qui se dégage de leur musique, dans le sens que c'est souvent joyeux, c'est bien harmonisé. Moi, j'adore écouter leur musique. J'en ai partagé à d'autres personnes aussi, si je pense entre autres à ma mère qui aime les écouter aujourd'hui. Et puis, c'est la raison pour laquelle je voulais vous partager à vous, les gens qui m'écoutez là, à partir d'Internet, cette découverte. Plus particulièrement, je veux attirer votre attention sur certains enregistrements studio dont vous allez avoir les liens YouTube là, en bas de l'enregistrement présent que je trouve particulièrement intéressant. Donc, c'est sûr qu'il y avait par rapport à la reprise d'Heart-Shaped Box, mettant en vedette Julia Church en tant que chanteuse. Il y a aussi la chanson que j'aime écouter et réécouter quotidiennement ces temps-ci qui s'intitule Games Continued. Donc, c'est Goldfish avec Big Matt en mettant en vedette Marie Plassard comme chanteuse. Et c'est sûr que Goldfish, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'ils font affaire avec plusieurs chanteurs et chanteuses. Donc, ils vont composer des chansons et par la suite, ils vont sélectionner avec beaucoup de soin la chanteuse ou le chanteur qui va correspondre avec l'ambiance qu'ils veulent générer. Donc, au lieu d'avoir un groupe de musique et c'est toujours la même personne qui chante, eux autres, c'est différent comme démarche artistique et c'est entre autres ce que j'apprécie, c'est qu'ils vont créer la musique. Donc, c'est deux producteurs de musique, deux compositeurs, là, les deux membres du groupe, et ils vont sélectionner par la suite la chanteuse ou le chanteur qui va aller avec ça. C'est sûr que dans un sens, c'est pas pratique pour faire des spectacles live, parce que de faire venir toutes les chanteuses et chanteurs impliqués dans les différentes chansons, dans les différentes collaborations, ça serait sans doute complexe et extrêmement onéreux. Ça coûterait cher, tu sais, si on a à payer des billets d'avion, puis il y a une quinzaine de chanteurs différents. Ce serait extrêmement difficile à ce que ça soit rentable là, comme spectacle. Par contre, ce qu'ils font, c'est live. On va entendre la chanteuse ou le chanteur. On ne les verra pas sur scène. C'est sûr, ça, c'est une lacune. Mais on voit les deux musiciens qui s'en donnent. Vous allez pouvoir d'ailleurs voir des vidéos d'eux autres live. Là. Je vais mettre des liens aussi en bas de l'enregistrement présent. Sinon, en plus des deux chansons studio auxquelles j'ai fait allusion, il y a aussi celle qui s'intitule If I Could Find, que je trouve intéressante. C'est une chanson pop comme les deux autres, là. C'est plus facile d'accès que, par exemple, la musique avec du jazz dedans. C'est sûr que j'en suis conscient, d'où la raison pour laquelle je vous propose ces chansons pour les découvrir. Et concernant des enregistrements live studio, vous allez avoir le lien par la suite un peu plus bas de l'enregistrement qui s'intitule Goldfish Live EDC Brazil 2015. HQ, haute qualité. Donc ça, c'est bien, on les voit live. Il y a aussi, ça vient de YouTube. Il y a aussi Goldfish Live au commercial Lollapalooza 2018. Ça, c'est plus récent. Et c'est sûr que moi, je trouve qu'au fil des ans, Goldfish s'est beaucoup amélioré, s'est beaucoup développé aussi depuis 2006, leur premier album, puis le dernier qu'ils ont fait aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a une progression au niveau musical. Puis, j'aime beaucoup vers où se dirige présentement. Et vous avez donc plusieurs vidéos d'eux autres live là, sur YouTube. Et il y a la possibilité aussi de retracer des enregistrements audio de ce groupe de musique live sur SoundCloud. Donc, j'en ai mis un que j'affectionne en particulier. Donc, ça s'intitule Bantwanas Session avec Goldfish. Ça dure à peu près 2 heures de musique continue. Et là, à un moment donné, ils vont reprendre la chanson Thunders of the Storm des Doors avec un rythme différent. Il y a d'autres chansons aussi qu'ils vont reprendre. Et avec leur vibration, leur sensibilité, je trouve que ça rajoute à la musique leur approche. Donc, c'est un groupe à découvrir pour celles et ceux qui s'intéressent à la musique. Donc, voilà la suggestion musicale que je vous propose. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.